Solide dans le bolide. Je me la frappe qui vient des collines. Ticket, ticket, ticket, ticket, je fais les tickets. En 2-2, ça pull up. Euro dollar élastique. Elle descend, élastique, elle s'applique. For me. Solide dans le bolide. Je me la frappe qui vient des collines. Ticket, ticket, ticket, ticket, je fais les tickets. En 2-2, ça pull up. Euro dollar élastique. Elle descend, élastique, elle s'applique. For me. Full Millie, fuck Billy, la mon l'amant Billy. J'pense qu'il y a à prendre, j'retourne au pays. Faut me payer, y'a qu'à maman j'oublie. Bully des Allemands, j'roule grave à fond. J'reviens des bas fonds, ça l'ra sous le plafond. Peut-être qu'en 2030, j'serai grave à fond. Ils équivent grave des choses, mais j'sais pas ce qu'ils font. J'ai la big fumée, j'fais un big typhon. Cocktail molotov dedans, j'mets un big chiffon. Quel bif ils font, des grosses baffes ils font. De deux hems pour faire remonter le niveau. J'suis tellement devant que j'vois plus de rivaux. Bitch, 808, beatbox. C'était pas le big boss, le petit box. J'fais pousser de la cali cali dans un big box. Sur le 530, t'es sur la Xbox. Et je vends la posture comme un mood où cherche le big spot. 30 sur le poignet, toujours bien accompagné. Je mets ma paire de quartier avant de passer devant le douanier. Solide dans le bolide. Je me la frappe qui vient des collines. Ticket, ticket, ticket, ticket, je fais les tickets. En 2-2, ça pull up. Euro dollar élastique. Elle descend, élastique, elle s'applique. For me. Solide dans le bolide. Je me la frappe qui vient des collines. Ticket, ticket. Ticket, ticket, je fais les tickets. En 2-2, ça pull up. Euro dollar, élastique. Elle descend, élastique. Elle s'applique. For me. Dans le bloc, il neige comme dans le six. J'mets de la nasale, mais moi j'suis la zaza. J'ai les modules, les codes et les datas. Ça pourra devenir la nice comeback. T'es mal le nombre de bitches, de chop et de propriété. Pop, putain de société. Y'a des métaux de plusieurs variétés. Hey, j'pas fait la day pour le ups, la veille comme le jour de la veille. Puis j'prends le jet près de Marseille. Elle a le regard noir, mais elle est wow. J'suis dans le bas noir, bitch, let's go. Dans tous les cas, faut le mili, trop d'ennemis. Dans tous les cas, faut le 9000, et pow, pow, pow, boom. Bonne nuit, comme Benzé, je les éteins, puis bonne nuit. T'es des H, on pull up comme des talibans. Dans le fond du bloc, rien que sa manigance. Dans sa bouche, j'ai craché quelques habitants. J'me la frappe à son kiss de canalisant. Faut le mili. J'traverse la ville dans l'hélicoptère. Que Dieu me maudit si j'finis par terre. Jamais, non. Solide dans le bolide. Je me la frappe qui vient des collines. Ticket, ticket, ticket, ticket, je fais les tickets. En 2-2, ça pull up. Euro dollar, élastique. Elle descend, élastique, elle s'applique. For me. Solide dans le bolide. Je me la frappe qui vient des collines. Ticket, ticket, ticket, ticket, je fais les tickets. En 2-2, ça pull up. Euro dollar, élastique. Elle descend, élastique, elle s'applique.